Les gardes maison. Julien veut prendre des vacances. Il met une annonce dans la vitrine de sa boutique. Un homme va chez Julien. Il a une grosse boîte. « Je viens garder votre maison, » dit-il. « Bien, » dit Julien. « Qu'avez-vous dans cette boîte? »« Des poussins, » dit l'homme. Des poussins, dit Julien. Je ne veux pas de poussins dans ma maison. Mes poussins ne peuvent pas rester dans la boîte, dit l'homme. Alors je ne garde pas votre maison. Et l'homme part. Une femme va chez Julien. Elle a un camion rouge. Je viens garder votre maison, dit-elle. « Bien, » dit Julien, « qu'avez-vous dans ce camion? »« Des chèvres, » dit la femme. « Des chèvres, » dit Julien, « je ne veux pas de chèvres dans ma maison. »« Mes chèvres ne peuvent pas rester dans le camion, » dit la femme. « Alors, je ne peux pas garder votre maison. » Et la femme s'en va. Francine téléphone à Julien. « Je peux garder votre maison, » dit-elle. « Avez-vous des poussins ou des chèvres, » dit Julien. « Non, » dit France, « j'ai un poisson. »« Bien, » dit Julien, « le poisson peut rester dans son bocal. Vous pouvez garder ma maison. » Julien part en voyage. Et France arrive chez Julien dans un gros autobus. Elle a un poisson dans un bocal et 10 enfants dans l'autobus. Quand Julien revient à la maison, une grosse surprise l'attend.